Salut, salut. Je sais pas. super synchro là. Ok, j'ai compris. J'arrive pas. Oh, c'est chiant ce truc. J'arrive pas. I can't start. Ok. No drum. Bon, allez.